وبعض السلف قالوا إنه اليوم الذي يليه يوم العيد يوم القر اليوم الذي يليه يوم العيد et certains salaf ont dit que le jour del qar c'est-à-dire qui est le deuxième jour ou le deuxième meilleur jour de l'année n'est autre que le jour qui succède au jour de l'Eid, c'est-à-dire demain. وقد وافق هذا اليوم العظيم بيوم الجمعة فزادت الأمر حسنا على حسن ونورا على نور وفضلا على فضل. Et ce jour de l'Eid est venu en concordance avec le jour du vendredi. Ce qui rajoute à cette fête et à ce jour un prestige particulier ainsi qu'un mérite. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مالك في مؤطئه. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'a rapporté l'imam Malik d'après Abu Huraira, خَيْرُ يَوْمٍ اطَّلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ. Le meilleur des jours sur lequel se lève le soleil n'est autre que le jour du vendredi. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. Et à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y a, c'est-à-dire dans le jour du vendredi, il y a une heure que ne rencontre aucune personne parmi les croyants, parmi les musulmans, qui invoque Allah Azza wa Jal sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'exauce ou n'exauce son invocation. Et la plupart des savants disent que cette heure où les du'as, où les invocations sont acceptées, est entre l'Asr et le Maghreb. Qubayl al-Maghreb. C'est un temps très court avant la prière du Maghreb, avant la venue du Maghreb. Na'am. Wa min ahkam hadhihi al-muwafaqa ومن ميزتها سقوط وجوب الجمعة لمن صلى صلاة العيد. Et fait partie des particularités de cette concordance des jours, c'est-à-dire le jour de l'Eid avec le jour du vendredi, le fait que la prière du vendredi, صلاة الجمعة, passe du degré obligatoire au degré facultatif. C'est-à-dire, elle ne devient plus obligatoire. Bel, il fait partie de la sunna de ne pas prier le Jumu'ah, Salat al-Jumu'ah. Ça fait partie de la sunna de ne pas prier Salat al-Jumu'ah lorsque le jour de l'Eid est en concordance avec le jour de l'Jumu'ah. Pour celui qui a prié la prière de l'Eid. Na'am. كما ثبت ذلك عن عبد الله بن الزبير. Comme ceci a été confirmé par l'œuvre du grand compagnon Abdullah ibn Zubayr. فإنه صلى بالناس يوم العيد ثم دخل بيته فانتظر الناس خروجه لصلاة الجمعة فلم يخرج إليهم فلما أخبروا عبد الله بن عباس فقال حبر الأمة أي عبد الله بن عباس إنه قد أصاب السنة. والحديث صحيح, الآثار صحيح. Et donc عبد الله بن زبير il a prié la prière de l'Eid pour son peuple, pour les gens de sa ville, les gens de Mecca. Puis ensuite il est rentré dans sa maison et les gens ont attendu qu'il sorte pour qu'il accomplisse la prière du Jumu'ah et il n'est pas sorti. Ensuite, les gens sont partis voir Abdullah ibn Abbas, qui était le plus savant des compagnons à son époque. ou l'un des plus savants des compagnons. Et Abdullah ibn Abbas, lorsqu'il a eu vent de cette information, il a dit, certes, il a accompli la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Na'am. فهذه من الرخص التي شرعها الله عز وجل. Donc ceci fait partie des facilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à cette communauté. Donc celui qui veut prier la prière du Jumu'ah, il a le droit de la prier. Et celui qui ne veut pas, alors c'est son plein droit. لكن عليه أن يصلي صلاة الظهر. Mais la prière du dhahr ne doit pas être négligée pour celui qui ne prie pas la prière du Jumu'ah. Naam. Fa nahmadullah azza wa jal. On remercie donc et on loue Allah azza wa jal pour ses nombreux bienfaits. Wa qabla kulli shay, nahmaduhu ala ni'mati al-islam allati hiya akbaru ni'matin an'ama Allahu biha 'ibadah. Et on remercie surtout Allah Azza wa Jal pour le bienfait de l'islam, pour le bienfait de nous avoir accordé l'islam comme religion. Car ce bienfait-là est le plus grand des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais accordé à un peuple. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-yawmu akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Aujourd'hui, j'ai complété votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous la religion de l'islam comme religion. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et celui qui recherche une autre religion que la religion de l'islam, cela ne sera pas accepté de lui. Et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Certes, la religion agréée et acceptée d'Allah azza wa jal n'est autre que l'islam. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Si nous avions suscité ou si nous avions fait descendre vers eux des anges ou si nous avions fait parler les morts ou si nous avions suscité devant eux tous les miracles et tous les prodiges, ils n'auraient pas cru. Ils n'auraient pas cru si ce n'est par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Mais la plupart d'entre eux sont ignorants. Wa hadha yadullu ala anna ad-dukhul fi l'islam tawfiqun mahd wa ikhtiyarun mahd min rabbil alamin. Et ceci, ce verset indique que le fait d'être rentré dans l'islam ou d'avoir accepté l'islam n'est autre qu'un choix d'Allah Azza wa Jal. N'est autre qu'un bienfait et un choix d'Allah Azza wa Jal. Qala Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ الْآيَةِ. Et si Allah, il veut la guider d'une personne, alors il élargit sa poitrine à l'acceptation de l'islam. Il élargit sa poitrine à l'acceptation de l'islam. Et celui à qui Allah ne veut pas la guider, alors il resserre sa poitrine de manière à ce qu'il n'accepte pas l'islam. Naam. فَهَذَا دِينٌ عَظِيمٌ وَهُوَ دِينُ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ كَافَّةً وَجَمِيعِ الرُّسُلِ فَكُلُّهُمْ دعوا أقوامهم إلى أصل هذا الدين. Donc cette religion est une religion énorme. Et c'est la religion de tous les prophètes. Du premier, qui n'est autre que Adam, jusqu'au dernier, qui est notre prophète Mohammed ibn Abdullah. Et tous ces prophètes et tous ces messagers ils ont appelé Allah Azza wa Jal. Ils ont appelé leur communauté à la base de cette religion, qui n'est autre que le tawhid d'Allah Azza wa Jal et l'unicité d'Allah, ainsi que le fait de lui vouer une adoration sincère. قال الله سبحانه وتعالى كما الله سبحانه وتعالى يدي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. On a certes suscité dans toute communauté des messagers afin qu'ils appellent à ce qu'on adore Allah Azza wa Jal et qu'on s'éloigne de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. وقال الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Et le prophète Nuh, nous avons envoyé Nuh, c'est-à-dire Noé, nous l'avons envoyé et il dit: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas en dehors de lui une quelconque divinité, et je crains pour vous le malheur d'un jour terrible. وقال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن ابراهيم عليه الصلاه والسلام. Et Allah سبحانه وتعالى dit, en évoquant la parole d'Ibrahim qu'il a dit à son peuple, c'est-à-dire Abraham, قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. Ô mon peuple, je me désavoue de ce que vous de votre association. Et je tourne sincèrement mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre. Et certes, je ne suis pas du nombre des associateurs. وقال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن موسى عليه الصلاة والسلام وقومه. Et Allah سبحانه وتعالى nous informe dans son Coran au sujet de Moussa, c'est-à-dire Moïse, et son peuple, les enfants d'Israël, lorsque les enfants d'Israël dirent à Moussa, وقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Ils ont dit, c'est-à-dire les enfants d'Israël, ô Moussa, accorde-nous une divinité comme la divinité qu'ont les païens. Le prophète d'Allah, Moussa, leur répondit et leur dit: certes, vous êtes un peuple ignorant. Inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Car ces païens n'adorent que des futilités et des choses caduques, et leurs œuvres n'ont aucune valeur. Aghayra Allah yabghikum ilahan wa huwa faddalakum 'ala al-'alamin. Est-ce que un autre qu'Allah Azza wa Jal, est-ce qu'une divinité autre qu'Allah, je chercherai pour vous, alors qu'il vous a choisi parmi les hommes de votre époque. وقال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن عيسى ابن مريم. Et Allah سبحانه وتعالى, il dit au sujet de Isa ibn Maryam, Jésus le fils de Marie, il dit: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Certes, on mécru ceux qui ont dit que Jésus est Allah. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. Alors que Jésus ne leur a dit que fils d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur, qui est le vôtre. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Et celui qui associe à Allah Azza wa Jal, alors certes Allah le châtiera et le privera du paradis, et son refuge sera l'enfer, et pour les injustes, nul secoureur. وقال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. Et Allah سبحانه وتعالى il a dit à notre prophète محمد عليه الصلاة والسلام: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Dis, ô محمد, j'ai été ordonné d'adorer Allah seul et de ne pas lui associer qui que ce soit, et c'est vers lui que je ferai retour. فهذا دين دين قديم ترى دين عظيم وهو ليس له نظير في الأديان لأنه دين الله الحق دين العدل والإنصاف والرحمة والشجاعة والإقدام والطاعة. Et donc cette religion qui n'est d'autre que la religion de tous les prophètes et la religion de la droiture, la religion du courage, la religion de la miséricorde, la religion de la fraternité. فَلَا يَدْعُ الْإِسْلَامِ إِلَى الظُّلْمِ وَالطُّغْيَانِ وَالْبَغِي وَالْعُدْوَانِ. Et l'islam n'a jamais et n'appellera jamais à l'injustice et l'oppression ainsi que la turpitude sur terre. قال الله سبحانه وتعالى قل إن الله يأمر بال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. Certes Allah سبحانه وتعالى ordonne la justice, l'équité et le bon comportement. نعم فهذا دين دين عظيم فعليك يا أيها المسلم أن تعتز به وتفتخر به فإن الله سبحانه وتعالى يقول ومن أحسن دينا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فما اكتفى الله عز وجل بذكر الدعوة إلى الله بل ذكر وقال إنني من المسلمين. Et donc, ô toi le muslim, sois fier d'être dans l'islam et n'aie pas honte d'être musulman. Car certes Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon une traduction approximative: quelle est la meilleure parole? Qui a une meilleure parole que celui qui appelle à Allah et qui fait des bonnes œuvres et qui dit « Certes, je suis parmi les musulmans ». Médite sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il rajoute « Et certes, il dit « Je suis parmi les musulmans ». Ça veut dire « Il est honoré de faire partie des gens de l'islam ». نعم. ومع ذلك ننصح إخواننا المسلمين بتقوى الله وكذلك الإقبال على الطاعة والإقبال على العبادة في هذه الأيام الفاضلة. Et aussi on conseille à tous musulmans de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en accomplissant les actes de dévotion et en accomplissant énormément d'actes d'adoration. وأن يجتنبوا من المعصية كبر أم صغر. Et qu'ils s'éloignent et éloignez-vous des péchés, qu'ils soient grands ou petits. فرب معصية واحدة تكون سببا للخروج من الإسلام ومن ثم من دخول النار عياذا بالله. Et qu'elle s'éloigne, et éloignez-vous de tous les péchés, qu'ils soient grands comme petits, car il se peut qu'un péché provoque à son auteur la sortie de l'islam, et de surcroît le fera entrer dans le feu. Qu'Allah nous préserve. على كل حال هذا يوم عيد يوم فرح وسرور فأظهروا في هذا اليوم الفرح والسرور والبهجة والنور. Donc ce jour est un jour de fête. Donc extériorisez cette fête, que cette fête se voit sur vos visages par la joie, la générosité et autres. قال الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأما بالنسبة للمرأة المسلمة, mais en ce qui concerne la femme musulmane, فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرمها بهذا الدين ورفع شأنها حيث لا نظير له على الإطلاق في أي دين وأي شريعة وأي مجتمع. Donc Allah سبحانه وتعالى il a honoré la femme musulmane par cette religion et il a élevé son rang et son degré d'une manière qu'aucune religion n'a pu faire et aucune législation n'a pu faire, ni aucune communauté. وهي تعتبر مادة المجتمع الإسلامي. Et la femme en islam représente l'essence de la communauté islamique. فصلاح المجتمع بصلاحها. Et donc, la droiture de la communauté est en relation directe avec la droiture de la femme. وفساده بفسادها. Et la perversion et l'égarement de la communauté est en relation et en lien direct avec l'égarement de la femme. نعم. فهي تلك المخلوقة التي حفظها الله وشرفها وأكرمها. Et donc la femme en islam, c'est cette créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honorée et a anoblie par la religion. فإن كانت أما فقد قرن الله حقها بحقه. Si c'est une femme qui est mère de famille, alors certes Allah subhanahu wa ta'ala a lié son droit avec son droit à elle, et ça c'est déjà un mérite énorme. قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Car certes Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'on ne l'adore que lui, et il a décrété aussi de faire preuve d'excellence envers les deux parents. نعم. وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بحسن السحب. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, il a fait de la femme ou de la mère de famille la personne qui mérite le plus qu'on lui tienne compagnie ou que son fils lui tienne compagnie. كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أي الناس أحق بحسن صحابتي. Le prophète صلى الله عليه وسلم, le compagnon, il dit: Ô messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite le plus ma compagnie? فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il lui a répondu: ta mère. قال ثم من. Et le compagnon dit: et qui après elle? Qala ummuk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répète: ta mère. Thumma qala thumma man. Et ensuite il lui dit: et qui après elle? Qala ummuk. Thumma qala thumma man. Qala abuk. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répété à ce compagnon qu'il doit faire preuve d'excellence envers sa mère trois fois, puis ensuite il lui a indiqué de faire preuve d'excellence dans la compagnie de son père. نعم. فإن كانت بنتا فرغب الإسلام في العدل بين الأولاد. Et si la femme est une fille, alors certes l'islam a enjoint à ce que les parents soient justes envers les enfants. قال النبي صلى الله عليه وسلم واعدلوا بين أولادكم. وكذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان. Celui qui a trois filles ou trois sœurs ou deux filles ou deux sœurs, فأحسن صحبتهن. Et il s'est comporté envers elles d'un bon comportement. وصبر عليهن. Et il a patienté sur elles. وتقي الله فيهن دخل الجنة. Il a patienté sur elle et il a fait preuve de crainte d'Allah Azza wa Jal envers elle, alors il rentrera au paradis. فإن كانت هذه المرأة زوجا فقد كان النبي صلى الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل متاع هذه الدنيا. Et si cette femme est une épouse, alors le prophète صلى الله عليه وسلم a certes dit qu'elle est le meilleur des bienfaits éphémère de cette dunya, de ce bas monde. Comme جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit: cette dunya, ce bas monde est éphémère, et le meilleur de ses bienfaits éphémères n'est autre que la femme pieuse. فهنيا لمن دخل في الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنعه الله مما أو بما آتاه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: un arbre au paradis, Touba, pour celui qui s'est converti à l'islam et dont la subsistance lui suffit et qui se contente de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Fa iftakhiru bi dinikum wa tamassaku bih rijalan kana aw nisaa wa la tatakhadu amam man huwa dunakum min al adyan fa inna hadha ad-din dinun 'azim wa ikhtiyarun min Allah 'azza wa jalla qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un wa ila huna wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa taqabbal allahu minna wa minkum salih al a'mal. Wa celui qui veut prier la prière du Jumu'ah, alors la grande mosquée, ils vont prier la prière du Jumu'ah. Mais à la petite mosquée, le pavillon, il n'y aura pas de prière de Jumu'ah à Lyon. Tamam. Donc celui qui veut prier la prière de Jumu'ah, ce sera à la grande mosquée. Wa jazakum Allahu khairan. Wa alaykum salam. Amin. Amin. Amin. Allah yajzik bi khair. Allah yajzik bi khair. آمين آمين جزاكم الله عليك الله يبارك فيكم شكرا لكم ما شاء الله وفيكم حياكم الله السلام عليكم.